White Beats. Allô, le répondeur du rap, je suis là pour dire que ça critique ici. Les petits balances des missiles, reste précis, ça me fait un défi. J'ai des balais, on dirait que le gars est décalé, donc j'ai calé. Eh mon gars, tu vas te régaler, faut pas déclarer, c'est easy man. On vient annoncer la couleur, on change pas la donne, faut que ça pète dans les boomers. Ok, ok, d'art, devinez ce que ça signifie. On fait nos bails, nos TD boys, eh vas-y, vérifie. Mon ami, c'est un RX, top lyrics, l'onion, un chalitis. J'ai la zone, toujours comme back, mais level out, t'es pathétique, ouais. Brisant tes mains, plutôt femme, on fait pas que des manics. Pour nous, ça met à ton maticité. Va mon côté triste, en bas, t'es déboîté, tous ces femmes. En mode les X, ils sont les X, toujours que V plus, plus les X, à fond de les vis, en maillot qu'est triste, sans foutre des cafés, des bêtises, ah, plus que les X, plus dans les vis, à plus les X, ah, yo, c'est un bain des bêtises. Plus je continue, et plus je persévère, la machine est lancée, on est là pour s'ambiancer, je continue, et tout ça sans retenue, on met du pont dans la tête, et puis zoom sans la tenue, je continue, tu risques pas d'être déçu, car les bonito, ok, Dark Crew, voilà le menu. Tu veux savoir de quoi je parle, car les coups, le mec qui te parle mal avec, ok, Dark Crew, tous les coups sont tolérables, le mic est branché, je brille dans le rap, game. Trop de MC pour mes épices, mais c'est ça le thème. Verbal production vient dans mon espace. Savoir ce qui se passe quand je rappe en espèce. J'esquive fort en mettant ta résine dans les mots. On fait toujours les bails comme il faut. Coup de maître, je prends le micro avec la main de maître. Avant de naître, j'écoutais des sons ni plus grands ancêtres. Mais là, ce n'est pas de souci. On est Alga, on est ici. Pixel dans les mains du rap. Mon père Silusion qui tape à taper dans le studio jusqu'à 3h du mat. Le plomb dans la côte, le gaynard verbal, tu connais le concept. Alors écoute un mixtape. Plus je continue, et plus je persévère. La machine est lancée, on est là pour s'ambiancer. Je continue, et tout ça sans retenue. On met du pont dans la tête, et puis zoom sans la tenue. Je continue, tu risques pas d'être déçu. Car les bonito, ok, Dark Crew, voilà le menu. Plus de mètres, je t'ai vu venir à des kilomètres. Je tire en l'air tout le monde à terre. Je préviens, je déterre. Le terrain est miné, et c'est pas mon flow écrible. Les mecs, j'essaie de te raisonner. Un seul conseil à donner, non, ne viens pas nous tester. Avec toi, je ne peux pas collaborer. Tout pour trop ta bouche, autant t'aimes trop te la raconter. Fais gaffe, mes petits vont traquer. Va s'y mettre du plomb dans la tape. Ça fait boum dans ta tête. J'en place une à tous mes types. Ok, Dark Crew, verbal production. Oh, c'est quoi les poils, mon garçon? Plus je continue, et plus je persévère. La machine est lancée, on est là pour s'ambiancer. Je continue, et tout ça sans retenue. On met du plomb dans la tête, je suis plus sombre sans la tenue. Je continue, tu risques pas d'être déçu. Calécognito, ok, Dark Crew, voilà le menu. Plus je continue, et plus je persévère. La machine est lancée, on est là pour s'ambiancer. Je continue, et tout ça sans retenue. On met du plomb dans la tête, et puis zoom sur la tenue. Je continue, tu risques pas d'être déçu. Calécognito, ok, Dark Crew, voilà le menu. Big White Beats.